J'ai commencé à suivre une formation d'infirmier bénévole pour la Croix-Rouge parce que j'ai envie d'aider les autres. Je trouve que c'est important. Dans cette formation, on nous apprend à soigner un patient, mais aussi à le comprendre. C'est vraiment passionnant. On va dans des centres d'urgence. C'est très enrichissant, même si parfois, je trouve ça un peu difficile, parce qu'on est en contact avec les gens et on les accompagne dans leurs souffrances, leurs joies ou leurs inquiétudes. Je crois que c'est pour ces différentes raisons que j'ai choisi de faire ça. Venir en aide aux gens et leur offrir une partie de mon temps pour eux, c'est motivant.